Ah, le service a été suspendu. Est-ce que ça vous va? Camarades, nous sommes les crêpes en colère, Ferré Radical et surtout gratuite. Qui n'a pas sa crêpe en colère pour aller écouter les syndicats? Les crêpes solidaires, jurez, il n'y a pas du design là-dedans. Vous aviez connu les râpés, le sarasson, et maintenant nous avons les crêpes en colère. Eh oui, camarades! Nous sommes fiers, nous sommes fortes, les crêpes en colère, nous sommes bonnes, nous sommes gratuites, et à prix libre et radical et délicieuse. Qui n'a pas sa crêpe en colère pour aller écouter les mots compliqués des syndicats? Moi aussi, j'utilise des mots compliqués, je suis queer, alors vous savez. Et merci! Et bon appétit, camarades! Ramène trois fraises pour la crêpe en colère, c'est le temps des cerises et les myrtilles de la colère. J'ai trouvé ça moyen quand je jouais des gamins de 10 ans. Et ouais, ça sert de faire des études aux beaux-arts. On sait faire des rimes. Et les musiques, les crêpes en colère, elles sont gratuites pour vous. Rien que pour vous. Mais aussi... Allez, allez, c'est le déstockage. Les crêpes en colère, elles sont à prix libre et garanties sans design. Qui n'a pas sa crêpe en colère? Ah, c'est... Oui, c'est vrai, voilà. Pour les assauts en danger. Pour rappel, la mairie sucre environ 25 millions de subventions aux associations stéphanoises au profit du projet de la cité 2025 qui, je ne vais pas vous le cacher, camarades, est une fumisterie de long en large et en travers. Camarades, ils utilisent de l'argent des associations pour faire venir des palaces, des startups. Le Crédit Agricole a doublé sa surface. La cité du design est une fumisterie. Je peux vous le dire, j'y étais. Camarades, le design est une fumisterie à Saint-Étienne et prend l'argent. Et les crêpes en colère se sont décidées à venir soutenir non seulement les caisses de grève, mais les associations en galère à cause de Cité 2025. Regardez sur numéro zéro, il y a des articles, camarades. Il ne faut pas se laisser berner. Le design est une fumisterie. Les crêpes sont en colère contre les lois et les réformes antisociales. On en perd notre sang-froid, mais jamais notre bon goût.